très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Tout de suite, Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Les jeunes filles se dévoilèrent, enlevèrent leurs foulards multicolores, dénouèrent leurs chevelures et se mirent à sangloter en se griffant le visage comme une coutume antique en a formé l'instinct lorsque surviennent de grands malheurs. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Qui dit jeune dit innovateur. Donc quand un roi est jeune, peut-être qu'on attend de lui son côté innovateur, son côté subversif, qui va faire évoluer les choses. Mais apparemment, jeunesse ou vieillesse, il n'y a pas trop de changement. Du protectorat à l'indépendance, cette semaine, la destinée d'Hassan II, roi du Maroc, naissance et épanouissement d'une démocrature. L'armée est fidèle à son roi et la situation est normale et tous les comploteurs ont été arrêtés. Bonjour. Dernière journée consacrée au Maroc. Toute cette semaine, nous avons évoqué un Maroc passé, parfois lointain, en évoquant les conditions d'installation des différents peuples venus occuper cette terre. Puis, plus récemment, les différentes monarchies, celle de Mohamed V, puis celle d'Hassan II, qui contribuera largement à asseoir une unité qui faisait jusque-là défaut au Maroc. C'est au Maroc d'aujourd'hui que nous allons à présent nous intéresser avec le portrait de celui qui a succédé à Hassan II, son propre fils, Mohamed VI. Un roi jeune, tout autant en âge qu'en état d'esprit, un roi qui casse les règles, un jeune roi branché que les plus jeunes surnomment M6. Un roi qui marche dans la rue au milieu de tous et semble avoir tourné le dos aux habitudes fastueuses et à la propension interventionniste du paternel. Bref, un rejeton qui semblerait faire ça à sa manière, n'ayant pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, soutenu par papa. Pour en parler avec nous, Séverine Labatte, que nous avons interviewée il y a quelques jours et à qui nous allons à présent laisser le soin de se présenter elle-même. Bonjour, je m'appelle Séverine Labatte, je suis chercheure au CNRS. Et en même temps, je réalise des documentaires axés le plus souvent sur le monde arabo-musulman, dont je suis spécialiste depuis plusieurs années. Et donc, le documentaire sur Mohamed VI, qui a été réalisé avec Jean-Michel Jedmani, a pour objet d'essayer de dresser un peu les contours du Maroc à la mort de Hassan II, du Maroc politique, social, culturel, à travers sa figure centrale, à savoir le roi. La mort d'Hassan II est présentée au travers de quelques images dans votre documentaire et on voit, je l'ai entendu également à la radio, on voit un peuple littéralement abattu, consterné, frappé au cœur et c'est très troublant quand on observe de près, quand on se rappelle ce qu'a été en même temps le gouvernement d'Hassan II. Et il faut bien voir que Hassan II incarnait un peu la figure paternelle. Et que le Maroc s'est trouvé orphelin à la mort de Hassan II. Alors, il faut voir aussi que les périodes, les années de plomb, et la période des années de plomb était passée. Hassan II avait assez adroitement et habilement ouvert le champ politique avec la constitution d'un gouvernement de gauche. Et puis, le champ social s'était aussi ouvert. Et puis, le roi était tout puissant, omnipotent dans tous les domaines. Donc, c'est une figure, qui disparaît. Le peuple se retrouve orphelin, d'autant que le sentiment à l'époque est que c'est le roi qui préserve de tous les malheurs qui pourraient s'abattre sur le pays. Et à cette époque-là, les yeux de tous les Marocains sont rivés sur l'Algérie, sur le drame que vit l'Algérie. Et donc, le sentiment est que c'était Hassan II qui pouvait préserver le Maroc de ses dérives, de ses drames, et que donc, avec sa mort, s'ouvrait une période d'incertitude, parce que le Maroc pouvait être menacé de troubles, exposé à des dangers dont le préservait Hassan II dans l'imaginaire populaire et dans la réalité aussi, il faut bien le dire. Et pas seulement dans l'imaginaire populaire, parce qu'il a aussi convaincu souvent ses interlocuteurs internationaux en disant « je suis le rempart, je suis le bouclier ». Il faut bien dire que le Maroc n'était pas une nation constitué au sens où on l'entend dans le monde occidental, puisque c'était quand même un pays avec un régionalisme très fort, des régions entières pas forcément intégrées au système central, et Hassan II a fédéré le Maroc, en a fait une nation. Donc le rempart, effectivement, il a fonctionné, et on le voit après dans 74 à 75 avec la marche verte, où là, tout le pays est derrière le roi pour aller préserver l'intégrité du territoire national à propos du Sahara occidental. Donc Hassan II a vraiment fortifié la monarchie, unifié le pays, même si ça n'a pas été toujours avec tendresse, si j'ose dire, et donc il a été d'une certaine manière, effectivement, peut-être pas un rempart, mais en tout cas le garant d'une certaine stabilité. Alors ensuite, à nouveau, dans les années 80-90, il s'est présenté, lui-même disait d'ailleurs dans des interviews qu'il était le premier intégriste du royaume. Il faut bien voir qu'à la différence de ses voisins, le statut du monarque marocain est assez particulier, puisqu'il est commandeur des croyants. Alors ça peut nous paraître un peu abstrait, mais dans l'imaginaire social marocain, c'est très fort. C'est-à-dire, c'est vraiment lui qui conduit la communauté musulmane. Alors ça a permis de désamorcer le discours islamiste qui dominait dans d'autres pays et qui consistait à attaquer les dirigeants sur le thème de leur impiété. Alors là, ils ne pouvaient pas le faire au Maroc, puisque Hassan II était le commandeur des croyants, était extrêmement compétent en matière de religion, et il donnait d'ailleurs des leçons très très très célèbres et qui prouvaient son immense connaissance. Et donc effectivement, il a été à un moment donné un rempart. Toute la question est de savoir si ce rempart monarchique contre la poussée islamiste fonctionnera au lendemain de sa mort. Avant, on avait peur du roi, maintenant on a peur pour le roi. Hassan II a régné durant plus de 40 ans d'un pouvoir sans partage. Son fils, Mohamed VI, descendant d'une dynastie alaouite vieille de près de 4 siècles, est monté sur le trône en juillet 99. Il a hérité d'une monarchie désormais guère contestée, et ce d'autant plus qu'il semble inaugurer un nouveau style de règne. Mohamed VI n'aurait pas au fond trouvé, à la mort de son père, un personnel de remplacement suffisamment efficace pour pouvoir justement remplacer tout le personnel, je dirais, dont l'héritage était un héritage lourd, le Maroc ayant 1000 problèmes de corruption au sein même des plus hautes instances du gouvernement et du royaume. Il faut d'abord dire que Mohamed VI n'a jamais exercé la moindre responsabilité lorsqu'il était prince héritier. Son père a été roi omnipotent, omniscient, jusqu'au dernier jour. Il a d'ailleurs même préparé ses obsèques dans les moindres détails, en préparant le protocole avec un grand soin. Donc Mohamed VI, Sidi Mohamed, donc le prince, arrive sur le trône totalement vierge, si j'ose dire. Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile. Car ça prouvera qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume. Pourquoi pourquoi Hassan II, qui en toute conscience sait que Mohamed VI va lui succéder, ne le prépare-t-il pas plus? C'est une éducation dans une dureté impitoyable. Exactement. C'est-à-dire qu'il l'a éduqué à la dure. Il le dit lui-même qu'il ne souhaite pas que ce soit facile pour lui. Hassan II a tenu son fils Sidi Mohamed dans un carcan extrêmement rigide, tout en ne lui permettant pas d'exercer de responsabilité. Et l'éducation qu'il a reçue, c'était « Eh bien, attends ton jour. Et le jour viendra où tu devras savoir faire. » C'est ce qui était arrivé d'ailleurs à Hassan II lui-même, hein, puisqu'il était monté sur le trône très jeune après le décès brutal de son père en 61. Bon, lui avait été beaucoup plus préparé puisqu'il avait exercé des responsabilités. Ça n'a pas été le cas de Mohamed VI. Alors Mohamed VI arrive sur le trône, effectivement avec une administration, des hommes en place. On peut dire que c'est d'une certaine manière un frein aux réformes. En même temps, c'est une extraordinaire opportunité pour lui d'apprendre son métier de roi finalement. Parce que ça permet la transition. Il y a des hommes clés comme André Azoulay, qui était conseiller économique d'Hassan II, qui l'est de Mohamed VI, et qui donc assure la transition et, d'une certaine manière, on pourrait dire, assure la formation du jeune roi. Mohamed VI a profité des blocages d'Hassan II à la fin de son règne en pouvant très rapidement opérer un changement de style en libérant des opposants, en faisant revenir des exilés et des adversaires symboliques comme Abraham Serfati, la famille Ben Barka. Au fond, il peut tout de suite capitaliser à partir de là un ensemble de sympathies larges, internes et externes, qui lui a été au fond facilité. Je me demanderais à la limite, consciemment, peut-être, par son père. En même temps, il est vrai que l'administration pléthorique, une partie des élites corrompues sont toujours en place. Mohamed VI a choisi des transitions en douceur. En même temps, il a fait beaucoup de choses discrètement. Il a changé beaucoup de gouverneurs de province, qui sont les gens les plus puissants au Maroc, pour justement pallier à ces problèmes de corruption, et puis commencer à remplacer le personnel de l'ancien régime, si j'ose dire, par des hommes à lui de sa génération. Retour dans quelques instants sur ce jeune roi, mais auparavant, une illustration du Maroc d'aujourd'hui avec le groupe Ahlam qui interprète El Qut. Le groupe Ahlam, en français les rêves, fait partie de cette nouvelle génération de musiciens qui allient avec talent rap, hip-hop, dub, musique électronique ou électrique avec la musique traditionnelle marocaine. Ça ne les empêche pas d'envoyer un message spirituel, leur révolte étant justement contre le matérialisme. Ce titre, El Quds, en français Jérusalem, est un appel à la paix entre arabes et juifs. N'oublions pas que, comme dans tout le Maghreb, il y a une forte population juive qui est totalement intégrée à la société marocaine. Retour avec notre invité du jour, Séverine Labatte, auteur d'un documentaire sur le nouveau et jeune roi du Maroc, Mohamed VI. Le Maroc connaît des difficultés économiques structurelles. Si une nouvelle politique n'est pas rapidement mise en œuvre, la situation de plus de 30 millions de Marocains va s'aggraver. Le pays ne dispose pas de pétrole. L'économie dépend essentiellement de l'agriculture. Le maréchal Lyautey disait en son temps au Maroc, gouverner c'est pleuvoir. La pauvreté augmente. On compte aujourd'hui plus de 6 millions de Marocains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit deux fois plus qu'en 91. Le roi des pauvres, comme l'a baptisé la presse, organise régulièrement des distributions de nourriture aux plus démunis. Pour réduire les inégalités sociales, Mohamed VI est contraint d'ouvrir son pays aux investisseurs étrangers qu'il reçoit en personne. Le Maroc reste peu industrialisé et doit parier désormais sur le secteur des services. L'avenir du Maroc est essentiellement placé sur l'incertitude économique. La croissance est à l'heure actuelle depuis plusieurs années de 3%. L'espoir est de la faire progresser jusqu'à hauteur de 8% si possible pour résorber à la fois aussi bien le chômage, les problèmes d'une importante analphabétisation. Vous évoquez dans votre sujet un patronat qui s'avérerait être un patronat relativement frileux, pour ne pas dire archaïque. Vous pouvez nous dessiner un peu plus le profil de ce patronat-là ? Quel type de patronat existe au Maroc ? Écoutez, il y a deux Marocs. Il y a un Maroc, effectivement, qui est extrêmement dépendant économiquement et surtout des conditions climatiques. Hein. Lyautey disait au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. Effectivement, quand il y a eu une année de sécheresse, eh ben, c'est une année de pauvreté. Et le Maroc connaît une croissance beaucoup plus faible. Et puis, dans le cas contraire, une croissance beaucoup plus forte. Donc. Et puis, il y a également un patronat installé qui, effectivement, n'est pas extrêmement pressé de réformer les choses. Mais il faut voir qu'il y a un autre Maroc, d'abord parce qu'énormément de Marocains sont passés par l'école, ont fait des écoles, des universités étrangères. Il y a une nouvelle élite urbaine, bourgeoisie urbaine, qui émerge et qui, elle, est en train de fonder un secteur économique moderne, tout à fait comparable à ceux de nos pays. Il y a une bourse à Casablanca. Dans le film, on interviewe longuement son ancien président qui dirige une société financière extrêmement florissante. Bourse très moderne d'ailleurs, vous la présentez comme telle. Amin Alami, 38 ans, a effectué ses études d'économie à Paris. À l'inverse des 10% de diplômés marocains qui restent à l'étranger à l'issue de leurs études, Amin est rentré au pays. La fuite des cerveaux est une des préoccupations majeures des dirigeants marocains. Amin, qui dirige depuis 1992 une banque d'affaires, a été nommé président de la Bourse de Casablanca entre 1995 et 1998. En 3 ans, il a fait passer la bourse de la préhistoire aux meilleurs standards internationaux. Il espère que sous la conduite de Mohamed VI, l'économie marocaine suivra le même chemin. Il faut bien comprendre que nous sommes inscrits sur un sentier de croissance d'à peu près 3% depuis 15 ans. Et que ça fait 15 ans que nous cherchons à changer ce sentier de croissance. Pour relever les différents défis sociaux que nous avons au Maroc, notamment celui de l'emploi et celui de l'éducation, il faut créer de la richesse. Pour ça, il faut une croissance de 8%. Or, tout le monde sait que nous devons atteindre ce palier de croissance, mais on a tous le sentiment qu'on ne se donne pas les moyens de l'atteindre. Alors, on a le sentiment de la lenteur, le sentiment d'un manque de gouvernance, que ce soit d'ailleurs au niveau des entreprises ou au niveau de l'administration, pas beaucoup de transparence, et finalement, pas tellement le culte de la performance. Donc, l'enjeu, aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que que l'ensemble des opérateurs économiques se remettent en ordre de marche. On peut pas dire que le Maroc, ça n'est que les bidonvilles qu'on voit effectivement et qui existent, hein, et que la pauvreté. Il y a également un Maroc extrêmement moderne, ouvert sur l'étranger, complètement intégré dans la mondialisation, dans les échanges internationaux. Tout le challenge pour les gouvernements qui viendront, c'est que le Maroc d'en bas essaie de rattraper un peu le Maroc d'en haut. Célibataire de 23 ans, Imane vit seule dans un studio à Casablanca, ce qui est rare au Maroc. Elle a suivi pendant 3 ans des études de communication. Mais comme 25% des jeunes Marocains, elle est aujourd'hui au chômage. Fille de militaire, Imane peut se permettre, à défaut de projet d'avenir, de tuer le temps dans un cybercafé ou dans les bars branchés de Casa, capitale économique et culturelle du pays, où les velléités de changement sont les plus affirmées. Si les gens placent leurs espoirs dans Mohamed VI, donc notre roi, c'est parce qu'il est jeune et surtout qu'il est nouveau. Donc Hassan II est parti, il y a un nouveau roi qui arrive, donc on s'attend à du changement, on s'attend à quelque chose de nouveau, on s'attend à ce que le roi, le défunt Hassan II, ce qu'il n'a pas fait, on s'attend à ce que Mohamed VI le fasse. Mais on ne sait pas s'il va le faire ou il ne va pas le faire, mais on a toujours l'espoir, on a envie de savoir qu'en étudiant, on va trouver du travail. On a envie de savoir qu'en marchant dans la rue, on va nous respecter, qu'on soit femme ou homme. On a envie que... qui sentent, au fait, tout simplement, qu'on est là, qu'on existe. C'est nous le peuple, c'est nous les jeunes. 70% de la population a moins de 30 ans. Alors c'est sans doute pour ça que vous avez choisi de privilégier essentiellement la parole des jeunes dans votre sujet. L'interview est essentiellement réservée à eux, moins, voire pas du tout, aux personnes plus âgées. Alors effectivement, on est allé interroger les jeunes, parce que ce qui est très frappant au Maroc, et qu'on voit pas forcément dans d'autres pays, en tout cas on le voit pas en Algérie, c'est cette modernité palpable, c'est ces cafés, ces cybercafés, cette jeunesse qui dans la mixité sa table aux terrasses. Alors effectivement c'est la jeunesse dorée, hein, il faut bien le noter, mais nous sommes allés à la fois dans les quartiers populaires interroger les jeunes sur leur avenir, et puis d'autres jeunes de classe plus aisées, parce que c'est 70% de la population et que c'est eux que sur lesquels s'appuiera le roi. Donc l'avenir de la monarchie se jouera en fonction des perspectives qui seront offertes à ces jeunes et à cette classe urbaine. Mohamed VI peut-il réussir un beau règne, à votre avis, Séverine Labatte? Écoutez, beaucoup de gens nous ont dit c'est le peuple qui fera de Mohamed VI un bon roi. C'est très difficile de juger. Vous savez, quand Hassan II est arrivé au pouvoir en 61, un rapport secret de la CIA expliquait qu'il en avait pour 6 mois, que c'était un jeune fêtard qui n'était absolument pas intéressé par l'exercice de sa fonction, et qu'au bout de 6 mois, il serait renversé. Il a régné 38 ans. Donc il faut se méfier des images toutes faites. Bon, Mohamed VI, pour l'instant, est à la tête d'un pays plutôt calme. Il n'est pas évident que ça dure. C'est dans l'adversité qu'on jugera s'il est un grand roi ou non. Il faut rappeler qu'il est sur le trône depuis 3 ans, qu'il est très jeune et encore une fois qu'il n'avait exercé aucune responsabilité par le passé.